Maître Fantôme, le fils du Fantomas, le très spécial, Papa François Béa. 1 plus 1 à l'amour, mathématicien lobby égale 2. Mais en addition à bon zambé, 1 plus 1 bowling égale 1. Tonton Ludo Ngoma. Je t'aime du plus profond de mon cœur, t'étais caboué. Tu fais comme j'ai dit, non comme j'agis, puisque tu m'aimes. Ans Ngoma. Alinga Kamwa tourne un week-end, poyo kabien. Vaut mieux être seul. Tu m'as l'accompagné, goûté. Archille Kabwa et Jeanne Kabwa. Goûté. Jean-Luc Kabwa, le luxueux. Qui chérit en excès, c'est haïr en excès. Dès nos jours aider un homme s'est préparé la place à une autre femme. Vince Kabwa. Fais ce que tu peux si tu ne peux faire ce que tu veux. On n'est jamais si bien servi que par soi-même. Ame makanga na bakwisne soki pongi. Chagala la na makolo a tete neti nounours. Goûte, goûte, goûte. Goûte, goûte, goûte. Bon, djunga qu'il pleuve, qu'il neige, nga na za déterminé. Vouloir ou pas, nga na mon a tete kabwe nanga. Ata pour tout le matière, makale ki tiza délivrance te. Nga bolo konga na za, mongongwa tete kabwe solution. Liberté, yeah, yeah. Liberté, yeah, yeah. Liberté, yeah, yeah. Mon gongwa papa dit la neur nangaï. Walum Kabwa. A injecté semence, y'a love nanti manangaï. A encadré bien croissance, y'a plante, y'a affection à mon échagui. Sur ton joli corps, je préférerais écrire des mots d'amour. Oscar Kabwa, les gourous. Voilà les loué, Betty. Oh, en plus, c'est. Et la nana mon est la passion yo. Tango midi pourquoi Hervé bien. Ma colo vimbanga pour nous kobongisa. Il faisait crédit à ses clients. Trop bon, trop couillon, les nibidens. C'est n'a pas monté mes oies bablées sur d'amour. A kobete n'a pas zoué. Kayous Kabwa, Pierrot Kabwa, Jean-Jacques Kabwa. Christian Matanda. Nana sala ke konzo bilenge mou lelo ke selenge tonda. Poko ni nyango a découvrir entrée a ke sa mounanga. Ape si akse na bambanda. Bye bye. Apienga moralement, spirituellement, physiquement. Mwana so ki problème abele la ka maman ya ka e mawa. Mampé dans l'immédiat loba ka mwana nanga nini ye komi. Na bolingo so ki problème baloba ka chéri to tiana se to bongi sa pomba. So ki problème aloba ka masta boma memora. Etiki ya bolingo na bele la nani. Papa te maman te o. Plet nanga e zangi accusé. Procureur bome langa moto. Innocent moweye. Le mensonge peut courir pendant. Il suffit d'une matinée à la vérité pour l'atteindre. Olga Yakae, Tracy Yakae, Orlia Keye, Tozangi Mwanae. Pour la chapesse, c'est la taxe à Kangide, sans sexe au Kakanya, sans le ou la caténare. Mirabel Ngoma, émotion, Ivan Kabwa Kabwe. Chombo amour est bloqué, au dos de verrouillage comme moi t'étais calme. Mais sans avoir pied, à consulter ma que parfois chante. Son éminence maître Kazi, coup de gaz, Georges Cauchy, Jean-Luc Moussouamba les suprêmes, maître Pascal Mpoy. Amitié parfois les caca, amour peine affection. Pour battre mon kili balingi comme mon ante, bato mi balé balingana. Apôtre Pierre Azala comme ayela tuna ka yesu. Totiki banda konabiso, toponi se kolanda. Tout moment zela na yo, li futa na biso zaninye. Natika bashida nyonso, na pona se bolingwa, maître fantôme na ngayi. Na lela kito konanga esili na elongi. Nalela tolo nanga eka uka pona kumisa Kilwato. Kwa salatino anyo soba debo tika tete langa ye. Se biblik mototo ni fwa bukane langa na ye. Ewele, amourwele, papi ki bes. Femme du pouvoir, amourwele. Esther Rose. Ce mon amour est bloqué, code de verrière comme moi t'étais caboué. Maître Michel Kengou, Marilyn Yema. Médecin Zawa Pied a consulté ma Patrick Bondonga. PG Jean-Claude Kabamba, Maître bienvenu face aux procédures. René Kipili. Voilà les lois bêtises. Oh, le sait. Et la maman a monné la passion. Tango midi, pourquoi bébé kaboua? Ou ma colobine banga pour na kobongisa. Il faisait crédit à ses clients. Papa Dioré, quelques fois de l'X, c'est pas mon trop couillon. Hervé, moi, t'en as pas manqué, mais ça m'a blessure d'amour. Le temps est le meilleur allié de la vérité. Prof Gaston.